بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. امس اخذنا النواسخ لي شوز كي روندون لو متول لي خبر اي كي جوج لو حكم دو رفع فير لو نصب او فير رفع تاع عامل لفظي داكور لو رفع دو لبتدا دو مبتدا دوفيان مانو بار سبب د عامل لفظي كي كان او احدى خواتها. قلنا أن النواسخ على ثلاثة أقسام نذكرها من حيث العمل. النواسخ له 3 كاتيجوري. كنا وأخواتها. نعم. تفعل الاسم وتنصب الخبر. نعم. وإن العكس يعني تنصب تنصب الاسم وتخفض وترفع وترفع الخبر. الوتسي الآخر يعني ظن منصوب صح؟ ظن وخواتها تنصب كلا المعمولين هكذا. هذه الخبر المبتدا المعمولين. طيب كان وخواتها تنقسم الى ثلاث اقسام. ما هي؟ ما يعملوه بلا شرط. نعم. هذا العمل بلا شرط. ايوه. فسي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. نعم. تعمل بلا شروط كما ذكرت. القسم الثاني دوزيام الشرط سي كو التقدم بالنفي في ما دو أن يسبق بالنفي. أن يسبق نعم. زال بارحة انفك و يعني فتئة. تمام. وثالث سبقه بالمصدرية ما المصدرية والظرفية ما المصدرية والظرفية. نعم. ودامة. أحسنت. الآن سنأخذ القسم الثاني من النواسخ وهو إن وأخواتها. إن وأخواتها. نعم. لا. C'est le premier mot. C'est le premier mot. Il a le sens parce qu'après il y a marqué khabar. Khabar kana. C'est le khabar de kana, c'est pas le khabar de mutada. C'est le al hukmuhuma mansoukh. Donc le khabar il va sur kana en fait. Aïe. Yani le ma'na. Ça revient au ism. Mais là, tu l'informes par quoi? Au passé. Et c'est quoi ton outil qui permet de dire que cela est au passé? Kana. Kana. Ça, tu vas dire Zaidun Qa'imun. Al-Yom. Aujourd'hui. Ce qui veut dire hier, c'était comment tu vas dire? Kana Zaidun Qa'ima. Ça reste toujours les petits sofs. Ça revient toujours ta forme de quoi? Du ism. Mais par le biais de Kana ou une de ses sœurs. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما إن وخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. Donc là dans Jérémie il dit que إن et ses sœurs c'est quoi le عمل تنصب الاسم il devient منصوب et ترفع الخبر il devient مرفوع. وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت لتمني ولعل للترجي والتوقع. Donc les sœurs de إن ils viennent les citer là avec des exemples qui vont suivre maintenant dans le charh. قال في شرح لما فرغ المصنف من بيان القسم الأول من النواسخ وهو كان وخواتها أخذ في بيان القسم الثاني منها. Donc là maintenant, il dit que le musannif, après qu'il ait fini de kana, il commence, il poursuit avec inna et ses sœurs, qui sont des nawasikh. Donc c'est inna wa akhawatuha. Wa iya sittatu ahruf, six huruf. Inna wa anna bi fath al hamz, wa lakinna, wa ka anna, wa layta, wa la'alla. Amaluha tansib al ism wa tarfa'u al khabar, comme on a appris. مثالها example إن زيد إن زيدا قائم إن زيدا قائم c'était quoi la base زيد قائم زيد تدا قائم خبر si on avait mis كان ça aurait été كان زيد قائما maintenant avec إن c'est le contraire ça va être إن زيدا قائم Donc c'est quoi l'i'rab? Inna harf nasb wa tawkid. Ça va venir. Mabni ala al-fath. La mahala lahu min al-i'rab. Zaydan ism inna mansub bi inna. Wa ramatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu al-akhirih. Wa قائم خبر إن مرفوع بإن وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره على أبو الإعراب سهل فهمت هذا؟ أعطني مثالا مع مثنى دمو أن أكزمبل دي مثنى دمو أن أكزمبل هيك اسم مثنى avec in inna inna rajul inna rajulain qa'im inna rajulain qa'iman ahsant donne-moi un exemple avec jam muannath salim inna al muslimat inna al muslimati inna al muslimati qa'imat قائمات احسنت نعم الان سيذكر معاني هذه الحروف لو سونس دي سي حروف قال فان وان لي دو ان بكسر الهمز وفتحها معناهما التوكيد صلاه pour توكيد pour l'affirmation de la chose تقول زيد قائم ثم تقول تدخل ثم تدخل ان لتقوية نسبة الخبر للمبتدا فتقول إن زيدا قائمة ودي بتدي زيد قائم d'accord et quelqu'un dit تأكد t'es sûr تقول إن زيدا قائم طيب après tu affirmes tu dis certes que زيد est debout tu affirmes la chose tu la renforces les deux ont le même sens du coup même ça l'un est plus fort que l'autre نحو قول الله تعالى إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير وقل تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب Donc c'est quoi le fort qui est entre إن وأن c'est que إن تأتي في أول الجملة مباشرة إن vient au début de phrase غير مسبوق بشيء إن vient il y a rien qui la devance et أن vient قد سبقت بشيء بكلام c'est la différence qu'il y a regarde dans le premier verset on dit إن الله لطيف خبير est-ce qu'il y a quelque chose devant إن ما في شيء alors que l'autre c'est اعلموا أن الله شديد العقاب et sachez que Allah est dur en châtiment donc là أن مسبوق بشيء نعم مسبوق بإعلموا elle est devancée par un كلام ça c'est parmi les فروق بينهما Ça, c'est le mana de inna et de anna, mana et tawkid. Donc, ça s'appelle harf nasb wa tawkid. Harf nasb wa tawkid. Thumma qala, walakinna. Walakinna. Ma'naha al-istidrak. Wa wa raf'u, ma yutawahamu. من كلام سابق نحو زيد غني لكنه بخيل. En fait, لكن c'est pour, on va dire, rattraper une chose que tu pourrais t'imaginer dans un kalam. Une chose qui à la base te paraît très logique, لكن vient pour te l'éclaircir. La salle, tu vas dire Zaydun Raniyun. Zaydun, il est riche. D'accord ? Donc tu dis s'il est riche, Inch'Allah, il est kadim, il est généreux. Lakinnahu bakhil. Cependant, il est avare. Ouais. Ça, tu vas dire Inna, ou tu vas dire Zaydun Qawiyun. Zaydun, il est fort. Qu'est-ce que tu vas dire s'il est fort ? C'est un bâton, il va de l'avant. Lakinnahu, Lakinnahu Jabban. C'est bon, c'est un lâche. Parce que tu dis il est fort, donc tu veux dire il va de l'avant, c'est quelqu'un de courageux. Bah là, tu dis, pour pas que tu t'imagines qu'il est courageux, bah, on te rattrape en disant, bah non, en fait, c'est un peu heureux. Hein ? C'est comme dans le sens. Aïe, ouais. Hadha ma'na istidrak. Pour rattraper, rectifier une chose que tu pourrais t'imaginer, alors qu'elle n'est pas. Conforme à la réalité. Pas du quoi, lakinna, harf, nasb ou istidrak. Maktoubouna. Istidrak. C'est là ce qu'on dit, istidrak, c'est un livre, comme l'a fait le Hakim. Istidrak, elle a le Sahihain. Il a voulu quoi ? Le Hakim, rapporter des ahadiths que le Bukhari et Muslim n'ont pas sortis et qui étaient dans leurs conditions. Pour dire, en fait, je vais rajouter dans votre travail. Fahemt ? Le travail à la base il est correct, mais je vais en plus amener des choses que vous n'avez pas mises, que vous auriez dû mettre à la base. Ça s'appelle un istidrak, comme un rattrapage en fait. Thumma ka'anna. C'est pas les mêmes nawasib que dans les afhan en fait. Là, c'est nawasib al-asma. C'est nawasib al-asma. Et l'autre qu'on a pris, c'est nawasib al-af'al. C'est pas les mêmes. Ça, c'est khas pour les asma. Et qui était à la base quoi ? Mubtada wa khabar. C'est des nawasikh. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres après des nawasib al-asma ? C'est que cela ? Il y a zonentu. Après, on aura les asma qui, elles, sont mansoubat. T'en as d'autres après. Mais des huruf qui font que le fi'l, que le ism sera mansoub, ce sont ces huruf là. Ka'anna ma'nahu et tashbih. C'est pour apporter un sens de ressemblance. Ka'anna. Ta'koul ka'anna Zaydan Asad. Comme tu disais, c'est comme si Zayd était un lion. Wa qouli ta'ala ka'annaha kawkab. Comme si elle était une planète, une étoile. Ou également, yati bi ma'na échec. تقول كأنني أعرفك. Voilà, فهمت؟ Là, c'est plus tashbih, c'est un doute. Donc là, dans l'arabe, كأن زيدا أسد, كأن حرف نصب تشبيه, زيدا اسم كأن منصوب ورمة نصبه الفتحة. Et أسد خبر كأن. مفهوم هذا؟ طيب. ثم ليت معناها اتمني وهو طلب المستحيل غالبا هو الممكن الحصول لكن بصعوبه ليت c'est un harf on va dire tamanni c'est une chose que tu espères mais qui est impossible ou alors qui est dur à obtenir. Nous on traduit souvent par dommage. مثلا تقول Leïta al-Shabab a'idun. Dommage que la jeunesse ne revienne. Est-ce que c'est possible qu'elle revienne la jeunesse ? Non. Là. Donc ça c'est le ma'na mustahil, celui qui est impossible. Wal mumkin al-husul nahu leïta Muhammadan hadir. Dommage que Muhammad ne soit présent. Est-ce que c'est possible qu'il vienne ? C'est pas Muhammad le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un d'autre. L'autre l'avait dit, déjà il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est un nom Mohamed en guise d'exemple. Comme si tu disais Leïta Zaydan Hadirun. Mais on est tous ensemble. Et Zayd, il est dans sa maison, pas trop loin. On dit, dommage que Zayd ne soit pas là. Je l'appelle, il vient. Il arrive. C'est possible ou pas? Oui. C'est possible. C'est comme Ya Laytani, c'est ça? Ya Laytani, c'est le même mana. Kuntuturaba, là c'est impossible. Pauvre demeure, je n'étais poussière. Là, c'est mustahil. C'est mustahil. Ou Wahid Yakul, Ya Laytani Raniyan, Masalen, Fahudja. Dommage que je ne sois riche, je fasse le Hajj. Il se peut que d'ici le jour du Hajj, les moyens te parviennent. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est mustahil. Non, c'est dur. C'est dur. C'est dur. ثم لعل لعل معناها الترجي والتوقع اي ترجي في المحبوب c'est espoir d'une chose que tu aimes que qui te plairait نحو لعل الله يرحمنا il se peut qu'Allah nous fasse miséricorde ou alors توقع c'est une chose que tu crains تقول مثلا لَعَلَّ الْعَدُوَّ قَادِمُونَ Je crains que l'ennemi ne soit en route vers nous. Ou tu dis, مثلاً, أَيْنَ زَيْدٌ تَقُلْ لَعَلَّهُ مَرِيدٌ Je crains qu'il ne soit malade. مثلاً. فهمت? Ah, dans les choses, la'ala, il vient pour d'autres ma'ani également. Il vient pour le ta'lil. Ça, tu dis, qu'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum al-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattakun. Ay, likay tattaku. Dans le sens pour que. Pour que. Après, plein de hurufs, elles ont un ma'na asli, de base. Lakin fi haqqillah kod yatagayir ma'na. Il est chez akhar. Il y a des hurufs, des fois, ou des mots, des kalimah, des verbes, ils ont un sens, comme on a dit kana, un sens du passé. Lakin fi haqqillah, c'est plus ça. Quand tu dis wa kana Allah, ghafur rahima, c'est pas Allah, il était, il ne l'est plus. Là, c'est istimrar. Il y a des choses, quand ça vient dans le droit d'Allah, ça change de sens. C'est plus pareil. Là, tu vois, là, ça revient à quoi encore? Pendant l'asma en sifat, même dans les asma ou dans les afrael, le ma'na il est connu ou quoi, mais fi haqqillah, c'est pas comme pour nous. Il n'y a pas de tashbih. Même là-dedans, même dans l'aura, des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne s'appliquent pas à autre que lui. Pourtant, c'est des kalimas que tu connais le sens. Fa'adha alladhi akhadna al-yawm. Akhadna inna wa khawatiha. Naam. Tu veux que je te rajoute? Tu veux avoir une goutte de sueur sur le front? Je te rajoute des ananas, tu veux maintenant? Pas même. Sois raisonnable. Rouaïdan, rouaïdan. Donc c'est quoi le amal de Inna ou Khawatiha? Tansib al-ism ou tarfa al-khabar. Aza. Ou y'a 6 hurufs. Inna, wa anna, wa lakinna, wa ka'anna, wa layta, wa la'alla. Ma foum hada? Khalas. Fa ilahuna. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.